Chanson comme roman, histoire comme film, tout est dans la chute qui ponctue le propos. C'est propre à peau, mais ce qui fait le beau, c'est la chute, oui c'est la chute. La chute de rein qui te perd dans une pensée de culbute. La chute de pierre qui te brise les reins dans un chemin abrupt. La chute, la chute, la chute, la chute, chute, chute. Ne dis rien ou tout le monde le saura. Que le truc c'est la chute, la chute, la chute, chute. Ne dis rien ou tout le monde le saura. Que le truc c'est la chute, la chute. Ce truc peu audible que veut nous dire la Bible. Pour moi aussi, c'est le 10 de chute, le jeu de mon enfance auquel maintenant je pense. La chute, la chute, la chute, la chute, chute, chute. Ne dis rien ou tout le monde le saura. Que le truc c'est la chute, la chute, la chute, chute. Ne dis rien au ping-pong. Merci.